Chapitre 17. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'apparence devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Puis les trois disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, « Seigneur, c'est bien que nous soyons ici. » Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, un nuage brillant vint les couvrir. Et du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent si peur qu'ils tombèrent le visage contre terre. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent personne d'autre que Jésus. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite après sa mort. Puis les disciples demandèrent à Jésus, « Pourquoi les maîtres de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il leur répondit, « Élie doit en effet venir et tout remettre en ordre. Cependant, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est ainsi que le Fils de l'homme lui-même sera maltraité par eux. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Quand ils arrivèrent là où se trouvait la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit, « Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus s'exclama, « Gens incrédules et mauvais que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais, celui-ci sortit de l'enfant, qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu faire sortir cet esprit ?» Jésus leur répondit, « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare en vérité, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette colline, « Déplace-toi d'ici à là-bas », et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Un jour que les disciples se trouvaient tous ensemble en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes qui le mettront à mort. Mais le troisième jour, il ressuscitera. » Les disciples en furent profondément attristés. Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum, les percepteurs de l'impôt du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent, « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple ?»« Si, le paie, » répondit Pierre. Au moment où Pierre entrait dans la maison, Jésus prit la parole le premier et dit, « Qu'en penses-tu, Simon? Qui doit payer les impôts ou les taxes au roi de ce monde? Les citoyens de leur pays ou les étrangers ?»« Les étrangers, » répondit Pierre. « Par conséquent, lui dit Jésus, les citoyens n'ont pas à payer. Cependant, nous ne voulons pas choquer ces gens. C'est pourquoi va au lac, lance une ligne à l'eau, tire à toi le premier poisson que tu attraperas et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien. Prends-la et paie-leur notre impôt. »